Et c'est qui le petit poulet auquel il est fidèle depuis 10 ans? Les urbaches de l'air sont entrés dans le cimetière. Un grand coup de manche au purée. Les croix, les fleurs ont volé. Les morts sont des cons. Je chie sur leur tombe. Chrysanthème de mer, mer, mer, mer. Chrysanthème de mer, mer, mer, mer. La pa pa pa la. La pa pa pa la. La pa pa pa la. La pa pa la. La pa pa pa la. La pa pa. Les urbaches de l'air ont pris autour vers la mer. Vers un peu de vie sur ces plages. De fonctionnaires brûlant leur lard. Prends des bandes de cons. Je chie sur le soleil. Vacanciers de mer, mer, mer, mer. Vacanciers de mer, mer, mer, mer. La pa pa la la. La pa pa la la. La pa pa la la. La pa pa la la. Les urbaches de l'air se sont foutus la gueule en l'air. En crevant de haine pour ce monde qui terrorise, qui lutte dans l'ombre. Je dis je suis un con. Je chie sur mon nom. Existence de mer, mer, mer, mer. Existence de mer, mer, mer. La, la, la, la, la, la.